Muso. Naamu. Musique donne don fait. A do nyer fait. Vous en a blondi spontanément. Basa crembe, moma more, inana crembe, c'est pas la peine, il veut à la acquise, moma more, inana crembe. Combattant en Jaïre, la guerre est terminée, on va s'amuser. Vite malin baka, dans cette année. La guerre est terminée, les anciens combattants vont danser. Danser manala baka, pendant la vie de Bitumao. Danser pela de Sabasso, Alpha Blondina Didi, Kalombo. Ça fait long, long, long, long time, on s'est pas amusé. Yeah, Africa, Central, Mobimbao. Alpha Blondi a le lieu. Qui n'a qu'à l'homme à la vie. Moma moré, inana y crempe. Moma moré, ya inana y crempe. Si ça y ve kasi komi basa crempe. Moma moré, inana y crempe. C'est pas la peine, y ve à la acquise. Génération ya moula na moula, et singelito si banelo boko, repesa na ma boko, Africa mobimba et telemao, repesa na ma boko, Africa mobimba et telemao, to telemela filimo ma be, to tana lo boko poto kende. Africa mobimba na la Guinée, Équateur mobimba, ta passa na la Bako, ta tambo na la Bako. Ma série, l'amour donne nous donc fait.